C'est-tu possible? C'était pour une usine d'épuration d'eau à Boisbriand? Ben, je sais pas. Je pense que ça, c'est une autre... Non, je pense que c'est une autre affaire. Ben, c'est possible. Je m'en souviens pas. Du monde dans les mains, mais il a toute une coupe sur la tête, mais contrairement à la FIFA, il n'est pas un soccer. Voici votre animateur, Jean-Philippe! Bonsoir tout le monde. Ben, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre du début de la Coupe du Monde de soccer. Mon Dieu, c'est capoté, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Ben voyons donc, vous n'êtes pas excité? Excité pourquoi? Ben là, le soccer, les pays qui dansent en farandole avec les drapeaux. Je sais pas, moi, les affaires, là, Robert Frezette ou 10 minutes à la radio. Voyons donc, vous n'êtes pas excité? Non, pas tellement, non. Je trouve que ça manque de rondelles puis de patins, cette affaire-là. Ben honnêtement, là. Ouais. Ah, c'est vrai, ça dure un mois. Ben un mois. Hey, je veux dire, tu sais, je comprends que c'est aux 4 ans, là, mais un mois, j'ai pas la capacité d'attention pour un mois. Mais non. Hey, tu sais, on dit souvent que les matchs de soccer, c'est plate, ça finit 1-0. Hein? Mais des fois, ça finit 0-0. Mais non. Non. C'est souvent, en fait, il n'y a pas de gagnant. Pas de gagnant. Hey, non, il y a des limites à triper sur le jeu défensif. Moi, c'est comme le monde. T'sais, c'est comme le monde en couple, ceux qui disent oh, moi, j'aime juste les préliminaires. Moi, les préliminaires, j'aime sur la tendresse, mais moi, le coin. Voyons, on a autre chose. Mais non, mais on a. Prends des buts à un moment donné. Ben oui. C'est niaiseux. C'est carré. Ben oui. Hey, franchement. Ah, boy! Quoi? Mais non, mais sinon, comment passer à côté de la nouvelle de la semaine, hein? À côté de René Angélil? C'est une grosse nouvelle cette semaine, ça. Ben, franchement, non. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu Céline en jouant au poker? Non. Non. Ben non, voyons, mon frère. Vous ne suivez pas la nouvelle, vous, hein? Non, il quitte la gérance de sa carrière. Ben voyons donc. Ah oui. Ben alors, il me semble qu'elle a commencé à bien aller, là, sa carrière. Ben oui, non, sais. Il y a l'âge juste avant le sommet. Ben non, je sais bien. Je sais pas si Céline va s'en remettre pour petite. Hein? Ben, peut-être qu'elle va être obligée de vendre quelques possessions pour survivre. Ben, peut-être qu'elle va vendre la ville de Las Vegas. Je pense qu'elle va commencer par Charlemagne, sa ville natale. Oui. Las Vegas, c'est son fonds de pension. Non. Mais c'est pas tout, hein, dans les mauvaises nouvelles. Céline et sa styliste, c'est terminé. Ben voyons donc. Ben oui, on a appris ça ce matin. Non. Oui. Non. Oui. Mais pourtant, elle était si bien accoutrée. Accoutrée. Accoutrée. Ouais. C'est vrai qu'elle avait toujours le bon coutre. Le coutre ouais, bien ouais, placé. Ouais, ouais. Eh boy, des mauvaises nouvelles, hein? Bon. Ben, sur une note un peu plus joyeuse, il y a les États-Unis qui ont connu une 74e fusillade dans des écoles cette semaine. Et, non, 74e? 74e pas fusillade. Pas cette année seulement. Ben non, pas cette année seulement quand même. Depuis celle de Newton en décembre 2012. Oh, OK, c'est pas si pire. Ah non, c'est ça, c'est même pas deux par semaine. Mais non. C'est pas, Je suis sûr que des fois, le coup partait tout seul. Ah ouais, regarde. C'était pas toujours voulu. Puis là-dedans, on a une année bisextile. Ben non, mais c'est regarde. Ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi on en parle. Franchement, un autre sujet. Il y a eu trois criminels, hein, les trois criminels qui sont évadés de Québec, qui sont toujours en liberté. Ah, ça veut dire qu'il manque trois députés à l'Assemblée nationale? Ouais. Faudra qu'ils les retrouvent vite. Ben oui. Hein? Sinon, ils vont être poignés pour faire des partiels. Ben oui, non, mais c'est ça. Non, on rit, là, mais je sais pas si vous avez entendu le premier ministre, Philippe Couillard, sur ce dossier-là. Il était pas content. Hein. Ah, j'ai pas remarqué. Ah non, vous avez pas? Non. Ah non, il l'a dit, hein. Ça fait deux évasions en hélicoptère en 18 mois, là. Faut que ça cesse. Cela fera. Franchement. En même temps, on n'a pas de comparatif. C'est dur à dire. Es-tu gros, es-tu pas gros, je sais pas. Non, en tout cas, faut que ça cesse. Ouais. Cela fera, Fred. Fâché noir, le monsieur. Hein? Ah ouais. Ah non. Tu veux pas te mettre. Ah non, moi, je m'enlève de son chemin quand il est fâché noir. Ah non, non, gaga. Oui. Bon. Cela fera, Fred. On a appris aussi que l'organisateur libéral Pierre Bibeault a vidé ses coffrets de sûreté à la banque quand Zambito affirmait lui avoir versé 30 000 $ à la commission Charbonneau. Ah ah! Ouais. Non, c'est pas ce que vous pensez, Fred. En fait, ben je sais que les apparences sont très apparentes dans ce cas-là. Mais M. Bibeault a été clair cette semaine. Hein? Là, c'est vraiment un addon. Hein? C'est parce qu'il se sentait en état de choc. Il n'était pas dans son état normal, qu'il dit. Oh. Oui, non, je vous le dis. Il avait des pensées suicidaires, même. Oui. En plus. Je suis étonné que, soudainement, là, ce beau monde-là ait des problèmes de santé comme ça puis une santé fragile. Oui, ouais, non, c'est vrai, parce que quand on regarde les photos là, de cette gang-là sur le bateau de Tony, là, il semble qu'ils étaient tous pétants de santé. Ah oui. Puis là, pétant, je pèse mes mots. Je pense que voilà. Contrairement à eux qui se pèsent pas souvent, visiblement. Hein? Ben, ils se pesaient, mais avec une balance spéciale. Mais industriel, qu'appelle. Sinon, ben non. Avec un treuil. Il est allé trop loin, Fred. Sinon, il y a Gilles Duceppe cette semaine aussi qui a dénoncé le ton populiste et radical d'un des candidats à la chefferie pour le Bloc québécois. Ça, ah là, c'est... Dis-moi pas que Bernard Drainville se présente au Bloc aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, on a appris que la malaria est sur le point de... On a appris que la malaria est sur le point de disparaître. Ah, c'est une bonne nouvelle, enfin! Ça, Fred. Oui, oui. J'ai jamais compris pourquoi les gens se bousculaient pour attraper ça, cette maladie-là. Non, mais en fait, tu faisais pas exprès. Tu sais que c'est un moustique hein, qui transmet la maladie. La malaria. Oui, tout à fait. Je savais pas. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste la femelle qui transmet la maladie. On a appris ça récemment. Et les chercheurs pensent être capables d'éliminer donc la femelle. Et papa, Julie Miville-Deschênes sera pas contente. Non, monsieur. On n'est pas sorti du bois avec elle. Je te dis. Ah, boy. Mais heureusement, nos invités de ce soir, on l'espère. Non, pas la malaria. Non, hein? On reçoit tout d'abord la maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez. On est très contents. Difficile à sortir. Ouais. Ouais. Qui est une sorte de malaria pour les radios poubelles de Québec. Hein? On peut le dire comme ça. On reçoit également la comédienne Anne-Élisabeth Bossé. On est très heureuse de la recevoir. Vous la connaissez. Évidemment. Très heureux. Ouais. Elle joue dans quoi, elle, déjà? Série noire. Non, mais quelque chose que j'aurais vu, là. Ah, Ben, 30 vies. Ah, oui, c'est ben, ça. Ben oui, oui. Et dans plein d'autres choses, Fred. De toute façon, on aura le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune. mon Dieu. Grosse soirée. Olivier? Oui, grosse soirée. Ouais, non, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radiotradio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire une citation de Boom Desjardins qui va comme suit. On dirait que depuis Caïn, je n'ai rien entendu qui se démarque dans la musique québécoise. J'ai comme rien à ajouter après ça. Ah, OK. OK. On passe au courrier. Oui, je pense qu'il est devenu sourd, c'est pour ça. Ah! Ça se peut. On passe au courrier des auditeurs. Mais d'abord, la semaine dernière, je disais que selon l'étude de TomTom, Montréal était la ville où la réduction de la congestion routière était la plus grande l'an passé. Mais finalement, c'était l'autre année d'avant. Et Guillaume Rivard me demande si j'en ferai mention dans l'émission de cette semaine. Non, hein? Comme dit toujours Fred Savard, c'est pas du documentaire qu'on fait. Ça, c'est vrai. Hein? Ensuite, Mathieu Yvonne Onge demande, est-ce vrai qu'il voulait installer des pics à l'entrée et dans certains studios de Radio-Canada? Oui, mais on a protesté parce qu'on aurait perdu la moitié de notre public. Hein? Ah. Qui c'est, vous pensez, qui travaille pas le vendredi après-midi puis qui assiste à notre émission? Hein? Enfin, Hugo Prévost demande « À quand un best-of sur CD ou en podcast? » Ben probablement jamais, mais la semaine prochaine, on va se remémorer ensemble quelques bons moments de nos deux dernières saisons et s'auto-congratuler en masse pendant une heure. Manquez pas ça. Ah, mon Dieu, que ça va être bon. Merci beaucoup, Olivier. Ah, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Allô? Ah. Ça va comment? Ça va assez mal, Jean-Philippe. Honnêtement, je suis en... Tabarnak! Wow! Là, on est à la radio publique, Jean-Sébastien, franchement, là. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Philippe, j'essaie juste de me rendre sur mon lieu de tournage. Je viens juste d'arriver. Je suis passé à ça d'arriver en retard, Jean-Philippe. Ben, voyons donc comment ça, mon petit des neiges. Ben, il y a juste que plus de place pour rouler où je suis présentement, Jean-Philippe. Ah, mon Devinez Dieu. Où je me trouve? Dans un endroit où il y a juste des pianos de gauchistes, des potagers urbains, puis Marie-Plaude sans maquillage. Ah! Mon Dieu, Seigneur Jésus. Vous êtes sur le plateau, j'imagine? Oui, sur le plateau Mont-Royal, Jean-Philippe, ce repère de gauchistes de gauche, de parasites irresponsables, de carrés rouges à main. C'est beau, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Oui, c'est assez. Désolé. Ben je suis trop loin, je suis fatigué, c'est la fin de la saison, Jean-Philippe. Ben oui, non, je sais bien, là. Mais pourquoi vous allez là au juste, là? Et en fait, parce que je tente de me diriger vers une section du plateau Mont-Royal qui, écoutez bien, Jean-Philippe, va bientôt devenir un placotoir. C'est quoi cette niaiserie-là? Eh bien, imaginez qu'en plus des autres petites placettes urbaines et autres concepts d'illuminés de gauchistes, Jean-Philippe, le maire Ferrandez vient d'annoncer la mise sur pied de placotoirs sur le plateau Mont-Royal. Oui, je sais, mais c'est quoi des placotoirs, Jean-Sébastien? Ben, en fait, c'est la traduction française originale de parklet. Ça va être de petits espaces, des espacettes urbaines aménagées de façon originale, accessibles à tous et gratuites. Bref, de petits espaces de vie pour aller placoter, Jean-Philippe. Hey, on dirait que vous l'inventez tellement c'est niaiseux. Je vous jure que j'invente rien, je le jure sur la tête d'Olivier Niquet, Jean-Philippe. De qui? Olivier Niquet. Enfin. Mais là, c'est vrai tout ça, là. Je vous jure, Mais là... sur la tête d'Olivier Niquet. C'est bon. Lâchez-les, pauvres petits, là. Mais là, vous allez pas placoter tout seul, toujours? Non, effectivement, je vais aller placoter avec mon invité de la semaine, Jean-Philippe. Ah, ben, c'est qui? C'est Laure Waridel? Non, c'est Éric Duhaime, Jean-Philippe. Pas Éric Duhaime? Ouais. Ben, c'est un méchant bon flash. Mais là, vous allez pas juste placoter? Non, pas du tout. On va placoter. Ensuite, on va aller mettre des bombes dans les panneaux de rue et on va aller pisser dans les potagers urbains, mon bon Jean-Philippe. Excuse-moi, j'ai raté votre dernière phrase. Vous allez... aller faire pipi dans les potagers de rue. Ah! Franchement! D'accord. Juste me dire c'est où, comme ça, j'irai pas manger des carottes à la voisine. Merci beaucoup, hein, Jean-Sébastien. On s'en parle tantôt. À tout de suite. OK, bye. Notre premier invité, Fred. Maire du plateau Mont-Royal, c'est grâce à lui si des gens de Québec, de Rouen ou de Rimouski détestent le plateau sans jamais y avoir mis les pieds. Accueillons M. Luc Ferrandin! Ferrandin! Prenez place! Vous savez, on est très, très, très... Calmez-vous. C'est un petit un public un peu... biaisé. Hein? mais on est très heureux de recevoir Luc Ferrandez parce que vous le savez, vous êtes notre dernier invité de nos émissions régulières, mais vous étiez aussi le premier invité de nos émissions à la soirée est encore jeune. On boucle la boucle. Ouais. C'est extraordinaire. Wow, ouais. Ouvre le bar, ferme le bar. Ah ouais, non, ben. on aurait bien aimé ça le fermer à 6 heures, mais finalement, on va le fermer à 3 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est franchant. Merci. Vous faites plus rare, en fait, dans les médias depuis une couple de temps, Luc Ferrandez. Ben oui. Comment ça, donc? Ça me tentait pas de donner des revenus gratuits à toutes les radios poubelles puis à tous les journalistes qui n'avaient pas le moyen de faire de la recherche puis qui se rabattait tout le temps sur le même sujet. C'est vrai? Ouais. C'est un peu ça qu'on fait en ce moment. Non, mais depuis les dernières élections, c'est vrai que vous êtes un peu disparu. Je sais que Jean-Sébastien Girard, le petit gars qui fait le téléphone ici, il vous a contacté de temps en temps pour faire des topos, pour participer à des topos, et vous lui avez répondu à un moment donné « Merci de l'invitation, mais j'ai du travail à faire. » Déjà, ça fait rire. Hein? Ouais. Et je ne veux pas devenir la Michelle Richard de la politique. Qu'est-ce que vous avez contre Michel Richard? Rien, mais quand j'étais jeune, j'entendais tout le temps parler de Michel Richard, mais je l'entendais jamais chanter. Puis, elle avait chanté comme 25 ans avant, puis après ça, pendant 25 ans, il parlait de ses potins. Puis ça fait, je veux pas que ça m'arrive. Là, moi, je veux faire des vrais politiques puis qu'ils en parlent au quotidien, mais pas de moi. Fait que là, vous aviez peur de devenir une guidoune des médias? Non, je dirais pas comme ça, parce qu'il paraît que c'est une dame très bien... Ah ouais? Bon Dieu! Lâchez-la, la pauvre! Vos sources sont étranges! Je pense en plus que son chien malade, c'est temps-ci, c'est pas super fin. Ah ouais, hein? Oui, ben c'est ça. Ben, son vrai chien, là. Ah ouais. Toujours est-il que vous êtes un peu retiré. Aux dernières élections, le parti de Projet Montréal, en fait, n'a pas remporté les élections. On aurait aimé voir chez Projet Montréal peut-être une élection de Richard Bergeron, évidemment, mais peut-être un peu plus de conseillers encore. Finalement, ça s'est divisé en trois avec Mélanie Joly et Denis Coderre. Est-ce qu'au sortir de tout ça, on s'est dit chez Projet Montréal, ouais, ben, je pense qu'on a raté notre shot ou on est content de ce qu'on a accompli? Un peu des deux, j'imagine. Mmh. Parce que. Qu'est-ce que tu veux dire? On est content d'avoir accompli de ce qu'on a fait. Ben, accompli. Je veux dire, vous êtes sorti quand même un petit peu plus d'élus que lors de la dernière élection. Mais ah, OK, oui, vous avez vous n'avez quand même pas remporté la mairie de peu, mais ça fait quand même trois élections de suite que vous sortez de là, soit en deuxième ou en troisième position. Oui, mais c'est difficile de vendre des grandes idées. Puis moi, je suis bien fier de Richard Bergeron parce que lui, il a maintenu le cap. Il a dit moi, j'ai des grandes idées pour Montréal, les voici. La première fois, la deuxième fois, puis la troisième fois. Oui, c'est puis, ça, bien je veux dire, comme quand mais non, parce que je pense... Mais c'est tout à son honneur, parce que premièrement, c'est pas des grandes idées faciles à comprendre. C'est pas la fermeture des bars à 6 heures du matin. Là. Tu sais, c'est de dire on veut ramener du monde en ville, quel que soit le coût des investissements. Oui, je vais mettre beaucoup d'argent là-dedans, puis oui, ça va se payer tout seul, puis des comparaisons des prix de terrain entre la banlieue, puis la ville, puis le tramway, puis ci, puis ça. C'était compliqué. Il a persévéré, puis bravo, il a eu un vrai débat, il y a eu une vraie question. Puis les Montréalais ont dit non. Et ça, on peut rien dire contre ça. Fait que, à ceux qui ont dit oui à Denis Coderre, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'il fait une bonne job? Attends, Denis Coderre, là, il a gagné dans deux quartiers seulement. Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Dans tous les autres quartiers, il est arrivé deuxième. Ouais. Dans tous les autres arrondissements. Alors, mais c'est le maire quand même, hein? Oui, c'est ça, okay. Avec 31 % des votes. Donc, quand on dit Denis Coderre représente Montréal, j'espère que non. Ben oui, mais... Mais c'est un gars vigilant, c'est un gars présent, c'est un gars travaillant. Il a des belles qualités. Bon. Une chance, parce qu'il y a aussi des gros défauts. C'est quoi les défauts de Denis Coderre? Parce que, Adam, non, mais on va être honnête, là. Denis Coderre fait un bon travail. Non. Oui, oui. Ben là, décidez-vous, bon Dieu. Oui, mais ça peut pas résumer le personnage. Il fait du bon travail. Ouais. Il fait aussi du mauvais travail. Comme quoi, je veux dire... Regarde, la question d'ouverture des bars jusqu'à 6 heures du matin. Mais c'était pas un gros travail, là. Il l'a même pas eu. Non, mais c'est ça. Mais il y a des dizaines d'études à travers le monde qui disent qu'il faut chaque demi-heure d'ouverture, chaque heure d'ouverture, le nombre de blessés dans les urgences augmente, le nombre d'accidents augmente, les coûts de la police augmentent, tout augmente, y compris les revenus des bars. Mais c'est la seule chose positive qui augmente. Tout le reste, c'est à la charge de la société, tu sais. Et c'est une très mauvaise idée. Puis la façon dont on est défendu aussi, c'est une très mauvaise façon de l'avoir défendu. Une espèce de smoke show, c'est bon pour le développement économique. Ça, on va faire une fun city. Je le comprends de vouloir faire une fun city. Lui, il a fait l'axe Montréal-Nord-Ottawa pendant longtemps. Mais... mais faut qu'il en revienne. C'est pas en mettant un aéroport avec des avions qui tournent en haut de Montréal, des glissades d'eau qui descendent du Mont-Royal, des bars ouverts à ça. Moi, je mettrais un grand prix de Formule 1 à toutes les fins de semaine. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début. Ouais. Il est vigilant, il est travaillant. Bon. Bon, c'est bon. Je veux dire, ça fait. Faut prendre ce qu'il y a de bon des gens. Faut prendre ce qu'il y a de bon des gens. Non, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans Luc Ferrandez? C'est combien de la durée de l'émission? C'est, ah, c'est un radioton, c'est 24 heures. OK. Installez-vous. Okay, ben moi, j'ai de la vision, je suis un opérationnel. OK. Donc, un gars qui fait avancer ses affaires, comme Denis Coderre, dans le fond. C'est un opérationnel. Mais c'est vrai, c'est un opérationnel, Denis Coderre. Écoute, il est très bon quand tu fais de la politique. Ouais. Il est très bon quand tu fais de la politique. Mais regarde, dans la question des bars, là, le vrai Denis Coderre s'est révélé parce que ce qu'il a dit, c'est « moi le faire, moi ». Ouais. Le juge, tasse-toi, le commissaire, tasse-toi, le public, tasse-toi, la commission, tasse-toi, la police, tasse-toi, moi, je vais le faire. Ouais. C'est que c'est un gars qui... Ben, ça fait il n'a pas compris peut-être qu'il y a 25 000 employés, puis qu'il y a des juges, puis qu'il y a des contre-pouvoirs, puis que tous ces gens-là... Si 25 000 employés dans une ville, là, si tu influences 1 % de leur motivation... Tu viens de créer... C'est comme si tu avais créé 250 jobs. Puis lui est allé dire... ça a été mal défendu, je vais y aller le défendre, moi. Bien, ça dit quoi, ces fonctionnaires, ça? Moi, je peux dire là, qu'il n'y a rien que je fais sur le plateau qui n'est pas fait par mes fonctionnaires, qui n'est pas fait par mes cols bleus, qui n'est pas fait par mes directeurs. Puis d'avoir ces gens-là avec moi, c'est ça qui fait qu'on fait plein de belles choses, comme les placotoirs. Hey, ça! Non, mais tu sais, quand tu dis un fonctionnaire, on va faire un placatoire. Mais si, pour pas qu'il t'envoie chier, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit mobilisé. faut qu'il croie dans ce que tu vas faire. Ouais. Mais si tu dis, tasse-toi de là, moi le faire moi, ben ça marchera pas longtemps avec la ville de Montréal. Mais je suis sûr qu'il va apprendre puis il le fera plus. Puis je vais te dire, en plus des placatoires, on va faire aussi des effoiroirs puis des flancs noirs. Pis, vous avez juste parlé des placatoires. Puis chacune de ces places-là, des choses-là, prend la place d'une auto en plus. Ah. Mais ça, c'est le côté comique. On va en parler plus tard. C'est ça. Fait, vous êtes un gros travailleur, dans le fond. Je me rappelle que vous n'étiez pas sûr d'être réélu aux dernières élections et vous n'étiez pas sûr non plus de poursuivre pendant très longtemps votre carrière politique. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça doit être plus que 20 heures par jour, ça fait là. Ben c'est long. C'est tout le temps. Tu ne travailles pas tout le temps, mais tu es toujours concerné. Tu t'en vas au Parc La Fontaine avec ton fils, tu regardes ça c'est un arbre mort, ça c'est un trou, ça c'est une poubelle qui n'a pas été ramassée. Tiens, le clochard qui est là, il a dormi en dessous du banc, ouais. Là, il y a des graffitis, etc. C'est pas reposant. Parce que ça, c'est la passe quand tu vas au Parc La Fontaine. C'est le bout qui est supposé être fatigué. Ça, c'est le bout qui est supposé être reposant, tu sais. Ouais. Après, il y a tout le reste. Ben, c'est ça, parce que là, vous parlez du Parc La Fontaine, vous voulez le réaménager, ce parc-là? Oui, monsieur. Mais honnêtement, il y a bien de l'allure déjà, non? Il reste des beaux coins dans le Parc La Fontaine, mais on peut en faire un petit joyau. Vous avez donc bien de l'argent au plateau Montréal? Non, c'est parce que là, je ne vous ai pas annoncé, mais on veut payer ça avec une augmentation du coût des parcomètres. Ah ouais? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est un bon exemple. D'autant plus que ça va vous en prendre d'argent parce qu'il y a aussi vos maudites vélo-rues, je ne sais pas trop, révolution cycliste. Là. Ouais. Hey, ça, c'est énervant, un peu. Hein. Ce qui est merveilleux dans le monde de la radio, oui. C'est qu'on n'est pas tout seul à Radio-Canada, on en a plein. Et on a récolté plein de gens qui vous haïssent, hein, vous le savez, ça. Surtout à cause des vélos et à cause des vélo-rues. Et justement, cette annonce-là a créé beaucoup de remous. Et on ne sait pas encore si ça va être un succès, mais notre ami Philippe Roberge a composé une chanson qui vraiment, ah oui. Vraiment, c'est là, l'aide de l'été. Va rester dans la tête. C'est un peu en votre honneur. On l'écoute. Wow, j'ai hâte. L'arrondissement du plateau Mont-Royal doit annoncer aujourd'hui l'implantation prochaine de vélo-rue, où les bicyclettes auront la priorité, sur les véhicules à moteur. Ce concept de partage de la chaussée, importé d'Europe, doit permettre de désengorger les pistes cyclables. Comment va-t-on gérer ça? Comment Shanghai? Les décisions contre le bon sens du monde, là, faut que ça s'arrête. Ça devrait être ça, le citoyen au plateau Mont-Royal. Tu veux venir chez nous? Fuck you! Tu veux nous donner ton argent? Fuck you! Like free for all. Tu veux venir manger au pied de cochon? Fuck you! Comment Shanghai? Fuck you! Ils ont quand même des vues leur main. Tu voulais t'acheter des sous? Fuck you! Il devrait le mettre ses bancs. Plateau Mont-Royal. Fuck you! Faisons chier le monde. Fuck you! Fuck you! Si jamais vous retournez, prenez le taxi. Posez une question au chauffeur. S'il parle français. Puis, ben ça va, business. Qui trouve ça tough, hein? Tu prends le taxi à Montréal, lui, il va te le dire. Puis ça va être à grand coup de calice et de tabarnak, là. Il va t'en parler du maire Ferrandez. Il va t'en parler des sens uniques sur le plateau. Il va t'en parler des vélos qui pensent qu'ils sont rois et maîtres sur l'île. Hey, ça va être le fun. Le chauffeur de truck qui a du stock à livrer, il arrive mardi, prend Saint-Denis, les policiers viennent le voir, c'est ce qu'il y a. On se fermer aujourd'hui, c'est la journée des vélos. Pardon? On laisse de la place à ce monsieur-là qui est en vélo. Puis ce monsieur-là, pas propre, là, qui gratte sa guitare, puis qui chante heureux d'un printemps, qui me chauffe la couenne, là, c'est eux autres qui ont la rue aujourd'hui. À nous la rue! À nous la rue! À nous la rue! Ça devrait être ça, citoyen au plateau Mont-Royal. Tu veux venir chez nous? Fuck you! Tu veux nous donner ton argent? Fuck you! Like a free for all. Tu veux venir manger au pied de cochon? Fuck you! Comment Shanghai? Fuck you! Ils ont quand même élu leur mère. Tu veux aller déjeuner dans une... Fuck you! Il devrait le mettre ses bancs. Plateau Mont-Royal. Fuck you! Gang de clown! Fuck you! Vous devez pas être une bonne personne pour provoquer ce genre de réaction-là, M. Fernandez. Dans le fond, dans même, le fond, moi, je suis pas bon. Mais on n'avait pas d'hymne pour le plateau Mont-Royal. Ben, et voilà! Tiens, comment? Moi, je pense que le plateau... Sur le en échange de ma participation, on peut-tu avoir les droits? Ben, je pense... Oh oui, on a un gros oui. Fait que pendant vos réunions de conseil, vous mettez ce truc-là. Hey, boy! On va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, justement, qui est dans une des niaiseries là, de M. Fernandez. Oui, une de ces niaiseries du plateau Mont-Royal, ce qu'on appelait les placotoires. Et je me trouve donc dans un espace qui deviendra bientôt un placotoir. Vous le savez, je me trouve présentement avec M. Éric Duhaime. Éric Duhaime, merci beaucoup d'être avec moi. Toujours un plaisir, Jean-Sébastien. Merci beaucoup d'être ici parce que, pour vrai, vous êtes un bon interviewé dans la vie. Et là, je fais même pas de blague. Vous êtes relativement sympathique, vous êtes drôle, vous êtes généreux. Et effectivement, je suis pas en train de rire de vous. Dans la vie, j'entends les gens rire, mais je suis presque sérieux. En fait, j'aurais même presque envie de prendre une bière avec vous dans la vie. Alors, la question qu'on se pose ici... Est-ce que vous êtes conscient que vous pourriez être une personne formidable dans la vie si vous arrêtiez de faire votre mot du débile dans votre émission de poêle? Jean-Sébastien, pour être en 2014 au Québec, pour être hautement débile pour défendre les contribuables, défendre les automobilistes, défendre les petits commerçants, défendre les banlieusards, défendre les travailleurs non syndiqués. Et donc, pour toi, mais juste pour toi, Jean-Sébastien, aujourd'hui, je vais essayer d'avoir l'air intelligent, je vais te regarder de haut puis je vais être chiant comme c'est pas possible. Parlant de gens qui regardent les gens de haut, justement, ici à Radio-Canada, on se pose cette question-là. Pourquoi il est différent à Radio-X qu'à Radio-Canada, où il est super bon joueur? Donc, la question qu'on se pose, est-ce que vous êtes un peu schizophrène ou juste une grosse guidoune? Je fais un show. C'est mon émission quotidienne. Il faut que je fasse un show. Je suis payé pour ça. Quand je suis à Radio-Canada, c'est pas pareil. Je suis entre amis, je suis entre chums, je peux être moi-même. Excellent. Finalement, M. Ferrandez, je trouve ça assez sympathique de placoter dans un placotoir. Alors, si vous le permettez, Jean-Philippe, nous va prendre une petite pause, le temps d'aller frapper un hipster dans le visage. Et on vous retrouve tout de suite après la chronique du maudit gauchiste à Fred Savard. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui aimerait bien que la régie des jeux des alcool et des courses s'enlève le bâton qu'elle a des foufounes. Mais non, mais c'est pas une bonne idée, Fred. Non, mais je sais, mais d'avoir su, j'aurais... Ben oui, franchement. En même temps, on aurait dû le faire, le projet pilote. On aurait dit que ça marche pas après. Ah oui, bon. Ouais. Allez-y. Alors, permettez-moi de sortir du placard cette semaine et avouer à la face du monde une chose qu'il ignore sûrement. Paraîtrait que je serais un gauchiste radical. Ben, c'est vrai. Je pense que je suis la première personne, mais comme nous avons de plus en plus d'auditeurs depuis cette saison, une saison qui se termine bientôt, au plus grand plaisir des avocats de Radio-Canada, j'aimerais que les gens qui se sont joints à nous récemment sachent que dans l'équipe, je suis le plus radical et de loin. Jean-Sébastien est radical à sa façon, oui, mais c'est une radicalité qui s'inscrit s'inscrit moins dans la politique et plus dans la vulgarité et le pathétique. Olivier est radical lui aussi, bien sûr, mais c'est une radicalité qui s'inscrit plus dans le nombre d'heures qu'il met à écouter la radio Jambon au lieu de s'occuper de ses jeunes enfants. Jean-Philippe Cipriani est radical à sa façon, mais c'est surtout dans sa coquetterie qu'elle s'exprime. Et pour ce qui est de Jean-Philippe Vautier, sa radicalité s'exprime surtout dans ses demandes salariales, donc son toupet. J'aimerais par ailleurs spécifier que je ne m'auto-proclame pas radical, ce sont les autres, les gens qui le font, des gens souvent de droite qui vivent malheureusement dans un monde où plus personne ne fait la différence entre social-démocratie, communisme, socialisme et bon sens. C'est d'ailleurs comme ça qu'est perçu Luc Ferrandez, et c'est pourquoi j'aimerais lui rendre hommage ce soir. Ah. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. C'est vrai. Sûrement dû à la faible qualité de nos invités des dernières semaines. Mais cette semaine, je suis très heureux qu'on reçoive de nouveau Luc Ferrandez, parce que c'est rare qu'on rencontre de véritables personnes d'exception dans une vie, Jean-Philippe. À part vous, M. Luc Ferrandez en est une. Nommez-moi un seul politicien québécois ou pire canadien qui fait campagne sur des idées et non pas sur des lieux communs impliquant les concepts bidons de classe moyenne, génération future, vraies affaires et monsieur, madame, tout le monde. M. Ferrandez a fait campagne sur des idées. Justin Trudeau n'a jamais eu d'idées. Juste des vapeurs d'idées, mais jamais de jus d'idées. Sinon, nommez-moi un seul politicien qui, après avoir fait campagne sur des idées, les a appliquées. Eh bien, vous ne trouverez personne, personne, parce qu'il y a belle et moins belle lurette que ça n'existe plus, un politicien, sauf Luc Ferrandez. Et c'est pour cela qu'il tape sur les nerfs de tant de monde, parce que les gens sont trop habitués à des politiciens clownesques qui sont la honte de notre espèce animale. C'est pour cela que vous avez peu entendu d'exclamation lors du dépôt du dernier budget Couillard, qui ne nous a jamais promis l'austérité en campagne électorale, même si c'est ça que nous aurons dans les 4 prochaines années. D'ailleurs, il est fort amusant de savoir que la directrice du FMI, Christine Lagarde, a reçu des mains de Philippe Couillard un doctorat oniris zona. Cette même femme qui a dénoncé récemment les politiques d'austérité qui n'ont jamais fonctionné dans les pays où on a tenté de les appliquer. Il est à parier que Philippe n'a pas parlé d'économie avec elle, puisqu'on sait bien qu'il n'y a que les Québécois qui veulent entendre parler d'économie, paraît-il. Malheureusement, les gens du plateau ne veulent pas entendre parler juste d'économie et c'est pourquoi M. Ferrandez est un maire d'exception. Fini le règne de la voiture qui doit se promener partout au détriment des cyclistes, des piétons et du sens commun qui malheureusement n'est pas unique. J'aimerais d'ailleurs spécifier que ce n'est pas absolument un calvaire de rouler en voiture sur le plateau. Je trouve ça bien plus difficile de trouver le bureau de mon médecin au quartier 10-30, bien qu'un jour, au 10-30, je sais que je pourrais me faire ausculter dans ma voiture si la tendance se maintient. Mais heureusement, je roule en Vespa depuis peu, mes 50 centimètres cubes m'empêchent pour mon plus grand bonheur de retourner au 10-30. Malheureusement, le temps me manque, M. Ferrandez, pour vous partager toute l'estime que j'ai pour vous. Le temps est très radical, oui. Je n'ai pas la chance de vivre sur la réserve phonique du plateau. Je n'en ai pas les moyens et le nombre de Français qui s'y trouvent m'empêche de vouloir économiser pour y vivre un jour. Mais j'espère que vous ferez des émules, puisque nous avons appris de votre bouche même que nous n'aurons jamais la chance de voter pour vous à la mairie de Montréal aux prochaines élections, mais rendu là, le plateau sera peut-être autoproclamé République populaire et les loyers seront gratuits comme en Corée du Nord. Bon. Franchement. Ben là. Il y a l'objectivité journalistique, frère. Ben non, je suis pas journaliste, moi. Ah, OK, c'est ça. Est-ce que c'était tout vrai, ça, ce que vous avez dit là-dedans? Tout à fait. Ah oui? Quand je fais des hommages, là, c'est toujours vrai, sauf Guy Fournier. La fois que je vais faire ça. Bon, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Merci. Alors, Jean-Philippe, de retour dans ce lieu fort sympathique qui sera bientôt un placotoir. J'invite tout le monde, évidemment, à venir. Je suis toujours avec M. Éric Duhem et c'est le moment de parler de Luc Ferrandez. Évidemment, on ne pouvait pas éviter ça. Est-ce que vous trouvez, vous, personnellement, que ce placotoir-là, c'est une bonne idée, Éric? Ou est-ce que vous pensez, au contraire, que c'est l'idée la plus débile que quelqu'un ait eue depuis la création du show de Timé? La création de quoi? Je vais vous avouer franchement que je pense que c'est une excellente idée de formidable et généreux et altruiste fonctionnaire et surtout, évidemment, politicien comme M. Ferrandez. Ce sera un lieu privilégié pour tous les citoyens, notamment pour venir porter leurs déchets. Les itinérants pourront venir se réfugier. Ça pourra sentir l'urine, je vous donne pas 2 semaines. Et ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus humain comme espace de vie, me semble, que des terrasses de salles capitalistes restaurateurs. Là, ça, j'en ai ma claque, ça pollue nos villes partout. Il me semble qu'enfin, là, on a une belle initiative. Mon Dieu, qu'il est tellement qu'on entende une parole comme ça à Radio-Canada, c'est rafraîchissant. Donc, on s'entend que vous et moi, Ferrandez, on n'est pas capable. En plus, vous savez ce qu'a dit des journalistes récemment. Il a dit, vous êtes des pauvres, des grossiers et des minables. Wow, on s'entend qu'il n'est pas barré à 40, ce gars-là. Je vous dis, en plus, Vous, vous n'avez pas été si pire que ça. Bon, évidemment, vous avez dit qu'il était responsable du développement économique du 10-30, qu'il était une plaie pour la société, qu'il était prétentieux, chiant, baveux. Vous avez même déjà dit avoir eu envie de le frapper. Donc, il est gros de même. En toute fois, là, c'est quand même toujours resté de bon goût. On s'entend que la mèche courte un petit peu le Spanish boy, là. Ouais, mais je pense que là, je suis un peu déçu, honnêtement, Jean-Sébastien, là, avec les gros budgets de recherche que vous avez à Radio-Canada, il semble que vous auriez trouvé des citations beaucoup plus croustillantes. Que vous aviez... C'est Olivier Niquette qui m'a fourni ça. Mais moi et Luc Ferrandez, tu vois, au niveau de la recherche, on s'y connaît. D'ailleurs, on a même, et ça, c'est même pas une blague, pour le bénéfice des auditeurs, c'est important de le savoir, on a même déjà partagé le même recherchiste. C'est vrai? Ferrandez et moi, ben oui, c'est vrai. Puis finalement, après avoir travaillé la moitié du temps pour moi puis la moitié du temps pour vous, il vous a laissé pour travailler 100% du temps pour moi. Évidemment, le problème. Un pont à sens unique. Évidemment, le problème avec Ferrandez, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Hein, les gens qui habitaient sur le plateau l'année dernière, c'était soit lui ou soit la prétendue comédienne hystérique. Entre deux éliminés, le choix était pas vargeux. Là, j'avoue, Jean-Sébastien, tu marques un point. Là. C'était aussi poche que d'avoir le choix entre Québec solidaire et le PQ aux élections. Exactement. Alors, dans quelques minutes, vous le savez, c'est le courrier des auditeurs. Alors, si vous désirez poser des questions à Luc ou à Éric sur le plateau, vous pouvez le faire, évidemment. Vous nous écrivez à soirée@radio-canada.ca. On va vous lire dans quelques minutes. Nous, en attendant, on va aller fracasser les vitrines de commerce fermées à cause des maudits parcomètres. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Fred, notre deuxième invité. On peut l'avoir dans les émissions Les Appendices et Séries Noires. On ne peut pas dire qu'elle choisit ses rôles en fonction des codes d'écoute. Accueillons la comédienne Anne-Elisabeth Bossé. Énergie ici en studio, Jean-Philippe. Écoute, on s'est pratiqué avant que tu arrives. on a quand même dit le CV d'Anne-Elisabeth Bossé, à Bossé, pour que les gens vous reconnaissent un peu plus, Madame Bossé. Ben oui. Non, mais c'est parce que Série Noire, c'est pas regardé, mais c'est bon, hein, maudit. Ah, oh, c'est smart? Mais c'est pas regardé, c'est encore drôle, il faut relativiser. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que c'est regardé sur le web, je pense. Ah, mais Internet, ça compte pas de nous. Ah. Anne-Elisabeth! Anne-Elisabeth, on est très, très, très contents de vous recevoir. Et vous savez quoi? C'est notre dernière émission régulière. Et on vous reçoit pour la dernière émission régulière. C'est pas rien, ça. Hein? Hey, non, mais c'est pas de la merde, là. Je suis extrêmement flattée. Bon, mais là, on va vous avouer quelque chose. Par exemple, on avait invité Denis Coderre parce que c'était le premier invité aussi. Ah, ben, mais quand Denis peut pas, généralement, c'est moi qui prends la relève. C'était soit MC Gilles ou MC Gilles est un très bon Denis Coderre également. Ah oui, hein, c'est vrai. Mais je sais que vous êtes une comédienne extraordinaire. Et je me disais bien que pour Anne-Elisabeth Bossé, jouer Denis Coderre pendant une minute ou deux, là, ça devrait pas être si difficile que ça. Mais j'adore Denis. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Disons, à deux reprises. Ben, c'est plusieurs. Ça. Et la première fois qu'il m'a rencontrée, il m'a présenté le point pour qu'on fasse un fist bump. Ouais. Puis après, il a fait un fist bump explosion. Ah! Fait que il est comme d'une familiarité exceptionnelle. Bon! C'est la première fois que je l'ai vu, il m'a dit Madame Bossé. Est-ce que vous faites ça, M. Ferrandez, des fist bump explosion des fois? Faisons-en un maintenant, on voit pas. Oui! Oh, mon Dieu! On m'avait dit que je ferais ça. Puis 2014. La deuxième fois que vous avez fait? La deuxième fois, il m'a serré dans ses bras, il m'a levé de terre un peu. Et ce n'est même pas des jokes. Ah, ouais, vous devez pas avoir hâte la troisième fois. gros French. Ah, mais bon, mais vous êtes toutes désignées pour jouer Denis Coderre un petit peu. Parce que je me disais, en deux ans, là, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Parce que quand Denis Coderre était ici, imaginez-vous que Denis était à peine un backbencher. Oui. C'était une affaire de rien. Ouais. Hein? Il était député au fédéral, obscur, je pense qu'on appelle. Hein? Ouais. Et il est devenu maire. Mmh. Alors que Luc Ferrandez, lui, était déjà élu et il est à même place deux ans plus tard. Et, non, non, mais c'est vrai, il y a quand même une différence. Mais c'est votre boss, Denis Coderre. Oui. Ben dites-lui là, dans sa face, là, vous êtes Denis Coderre. Ah, c'est vrai. Luc, salut mon Luc. Bonjour, Monsieur Coderre. Quel genre de conversation vous avez, Monsieur Ferrandez, avec Denis Coderre? Pour vrai, là, vous vous rencontrez des fois, est-ce qu'il vous prend dans ses bras? Ou... Ben, on parle de ce qui va bien, on parle des choses positives, des projets qu'on peut travailler ensemble. Dites-lui une bonne chose à Denis Coderre. Là. Je t'écoute. Denis. Non, Monsieur Coderre. OK. Ah, bon. Je voulais vous féliciter pour le temps que vous avez pris à analyser les budgets d'arrondissement avant de faire la réforme que vous vouliez faire. Ah! C'est vrai, ça? C'est vrai ou pas? Ben, j'espère qu'elle fera pas, c'est pas ça. Ah, c'est vrai que c'est même pas une vraie bonne affaire. Non, non, non, c'est vrai qu'il a pris quand même le temps de mettre un comité sur pied puis d'inviter. Ça, je dois lui donner ça, tiens. Ben, vous donnez, il est là, là. Denis, tu sais comment j'aime ça t'haïr. Mais je veux te remercier de m'avoir, d'avoir choisi la voie difficile puis de m'avoir nommé sur le comité de réforme des budgets d'arrondissement. C'est vraiment courageux de ta part. Ça me touche droit au cœur. Je pourrais-tu te demander quelque chose? Vas-y. Tu pourrais-tu me soulever dans tes bras? Comme quand tu veux. Bon! Ben merci beaucoup. Hey, vous étiez très bonne, oui. Mme Bossian. Ah, je sais, j'incarne de tous les personnages. Tout accabé. Mais j'ai découvert Anne-Élisabeth Bossé en regardant les appendices. Oui. Vous êtes là? Bon, oui. Il y a beaucoup de fans, hein? Ça fait quoi, 5 ans, les appendices, presque? Ça fait 7 ans. Ben 2009. Mais ça fait 6 ans, mais on est en train de tourner notre 7e saison. Arrêtez donc. Non, ça continue. Je niaise pas. Ça continue. Il y a du monde qui aime nos niaiseries, faut croire. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Et je regarde sur Wikipédia la définition des appendices. Et ça dit, c'est une comédie à sketch qui présente les humoristes du groupe Les Appendices et une comédienne, Anne-Élisabeth Bossé. Non, mais ça... je sais, ça me rend assez mal. Mais c'est qu'eux se connaissent depuis secondaire 1. Ils viennent tous de Saint-Jean. Puis au départ, c'était 5 gars, une fille. Mais Sonia est entrée au conservatoire l'année où le projet a démarré. Ouais. Et puis là, elle avait presque plus de disponibilité. Puis on fait passer des auditions pour avoir comme un backup. Ouais. Et je l'ai eu. J'étais super contente. Ah oui? Fait qu'ils m'ont comme été... Parce que ils écrivent, tout le monde est à la conception de tout, sauf moi. Moi, je suis comme juste interprète là-dedans. Fait que suis-je une appendicette, cousine de... C'est pas clair. OK. Mais c'est ça. Vous avez pas de talent à part le jeu. Moi, je te dis, je suis une boîte vide. Je l'ai toujours dit. Là, t'as fait la Chantal Strong. C'est Tony Connard qui parle ou c'est vous, là? Pardon. Oh. Non, mais vous êtes un peu la Chantal Franck des appendices, en fait. Ah oui, peut-être. Hein? Ben, c'est un beau compliment. Ben oui, c'est un beau compliment. Franchement, les gens sont... Ben oui. Les gens sont ben non, sont les pas gens fins. Cherchent le mal dans tout. Oui, t'as fait. Ah, les gens. Mais on vous a vu aussi à plein d'endroits, dont les films de Xavier Dolan, oui. Dans Les Amours imaginaires. Paraît-il que vous êtes démarqué. Maintenant, j'aimerais faire un point ici. Il y a mon recherchiste, Jean-Sébastien Girard, qui fait aussi les deux, et qui m'a dit depuis 3 jours, « Oh, je vais t'amener le DVD des Amours imaginaires, tu regarderas, c'est bien bon, tu vois, elle est vraiment bonne. » Puis à chaque jour, ils disaient, maudit, j'ai oublié de te l'amener. J'ai oublié de t'apporter. C'est de valeur. C'est la dernière, en plus. Non, je sais. Fait que j'ai regardé la bande-annonce 2-3 fois pour me mettre dans le mood, tu sais. Et, ben, vous n'êtes pas dedans, mais je peux imaginer que vous étiez très bonne. Mais c'est pas pour me vanter, mais tu peux regarder mes extraits sur YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui a collé toutes mes scènes back-à-back. Pour vrai? Et ça a comme 30 000 views, pour vrai. Et il l'a même avec des sous-titres espagnols. Ben pour Monsieur Fernandez. Fernandez! Mais ouais, c'est un petit extrait, une petite, tu sais, qui a comme... C'est donc bien extraordinaire. Fait que si jamais tu regardais juste mes bouts... Je vais jamais sur YouTube, par exemple. Oh, oh, hey, je pense que j'ai raté ta dernière phrase. Excuse-moi. Mais on s'en reparlera pour ces petits bouts-là. OK, toujours est-il que, bon, Xavier Dolan a fait appel à Anne-Franck. Anne-Franck, Chantal Franck, Anne-Élisabeth Bossé. Anne-Élisabeth Bossé à quelques reprises, mais pas pour son dernier film. Ah, j'étais en maudit. Ben, non, ben non. C'est le film qui fonctionne en plus. C'est le seul qui a un peu de succès. Comment ça se fait donc? Xavier, il y a quand même ses muses, mais je pense que Suzanne et Anne restent, c'est comme deux piliers féminins. Puis, j'imagine qu'il n'y avait pas de rôle pour moi, mais il ne force pas les castings non plus. Je pense qu'il se laisse inspirer par les gens. Puis... Mais peut-être que je retravaillerai avec lui, mais c'est un ami sinon, fait que je ne sais pas. Textez-le. Je vais le texter. Hey, mais vous êtes très gentille d'être venue nous voir, hein, puis d'avoir joué Denis Coderre, parce que c'est pas facile de jouer Denis Coderre. Non, mais j'ai adoré ça. C'est vrai? Je vais le refaire. Vous avez un grand talent pour ça. Merci. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth Bossé. Vous restez... j'ai pas à faire de... Est-ce que vous buvez de la bière, vous? Oui. Arrêtez donc. Je bois tout. OK, on cale ça. Votre bière, je bois tout. OK. Calons ça. Monsieur Fernandez? Non? Pas on part en vélo? Le, comment? Bon! Hey! All right! Faites un chin de Nicolas puis Luc Fernandez, là. C'est pour on les médias. Mais vous restez avec nous, toujours? Bien, certain. Ah, OK, bon, parfait. Notre prochain chroniqueur, Fred. S'il y avait une Coupe du monde de la radio Jambon, il serait sûrement l'arbitre en chef pour la grande finale. Voici la chronique d'Olivier Niquet! Yeah! Eh bien, il y avait un congrès quelconque du PQ la fin de semaine dernière et Pauline Marois en a profité pour dire que le Québec devait commencer à s'inquiéter d'une présumée montée de l'extrême droite, ce qui n'a pas manqué de faire sourciller ben pas mal tout le monde, incluant Richard Descaries, chroniqueur à Radio X, selon qui l'extrême droite, là, c'est une expression galvaudée. Ceux qui l'utilisent, c'est ceux qui comprennent rien, c'est-à-dire la gauche. Et il y a une chose en physique hein, qu'on apprend qui est simple, c'est ce qui est droit, c'est droit. Ça peut pas être extrêmement droit, c'est droit. Et ce qui l'est pas, c'est croche. Alors, la gauche, elle, essaie de faire peur à tout le monde en disant c'est l'extrême droite. Même en France, l'extrême droite du Front National est rendue dirigée par une libérale. Non, mais la gauche qui utilise les lois de la physique pour discréditer la droite, là, franchement, c'est rendu bas. Une autre chose qu'on apprend en physique, par contre, c'est la théorie de la relativité. Et selon mes calculs, si Marine Le Pen est rendue libérale, l'extrême droite doit être relativement épeurante. De toute façon, selon Benoît Dutrisac, là, l'extrême droite, ça n'existe pas vraiment au Québec, à part... À part quelques postes de radio à Québec... Attention, là! Attention, toi, là! Tu vas encore te faire aimer. Ils ont besoin de contenu, fait que on va les aider un peu. Bon, Benoît Dutrisac a une définition assez lousse de l'extrême droite. Là, la radio à Québec sont pas à l'extrême droite, ils sont juste extrêmement anti-gauche. De toute façon, là, c'est pas vrai qu'ils manquent de contenu. Rien peut les occuper pendant des heures. Ils ont d'ailleurs beaucoup parlé des pics anti-itinérants installés devant le magasin Archambault de la rue Sainte-Catherine. Et les commerçants ont raison d'être écœuré selon Carl Monette. Quand vous avez un commerce, là, puis les gens veulent même plus y aller parce qu'ils ont peur de rentrer, parce qu'on dirait que c'est Walking Dead ou des zombies en avant de votre commerce, là, on vous dit qu'à un moment donné, on commence à être écœurant, s'il vous plaît, hein, quand les chiffres commencent à baisser à chaque mois. D'ailleurs, comme avec les zombies, faites attention de ne pas vous faire mordre par un itinérant, vous pourriez vous-même vous transformer en robineux. La seule affaire, là, c'est que pour régler les problèmes de zombies, on doit compter sur des gens comme ceux de Projet Montréal qui ont des solutions tout aussi sanglantes. Ces gens-là, c'est des vampires de subventions. On veut plus d'argent, on veut plus de ressources, hey! Me semble que ça ferait un bon film de série B, ça, Vampire contre Zombie, la revanche des subventions. De son côté, Sylvain Bouchard de Cogeco cherchait la cause profonde du malaise des Québécois envers les pics anti-itinérants devant les commerces. Pourtant, faut pas chercher bien loin, c'est parce qu'au Québec, l'argent, on n'aime pas ça. C'est sa business. Je sais qu'on n'aime pas les commerçants, on n'aime pas la business au Québec, on n'aime pas ça. Non. Alors, c'est comme mal. C'est les gens qui font de l'argent. C'est les gens qui nous vendent de quoi. Eh oui, c'est ça le problème au Québec. On n'aime pas assez les commerçants, puis on aime trop les itinérants. C'est pas pour rien que tout le monde fait la file devant les squeegees plutôt que d'aller au lavoto. Un petit peu de Jean Tremblay pour terminer, puisque celui-ci a pêché cette semaine en disant qu'il n'avait pas dit que les journalistes sont des cruches avant de voir que quelqu'un avait enregistré qu'il avait dit que les journalistes sont des cruches. Tous ces journalistes, tous ces athlètes partout, ben, toutes les fois qu'ils me présentent, avant d'arriver, je me dis, ils savent rien, puis en partant, je me dis, c'est encore bien pire que ce que je pensais, les cruches, ils savent rien. Bon, plusieurs se sont indignés de ses propos, mais peu se sont demandé si Jean Tremblay n'avait pas un petit peu raison dans le fond, sauf le FM 93 de Québec qui a décidé de sonder ses auditeurs. On vous demande, considérez-vous les journalistes comme des cruches? Ouais, c'est plate un peu pour un gars comme moi qui est journaliste. À 68%, mais... vous dites que oui! Eh oui, le peuple a parlé, là-dessus, je vais me taire. C'est une petite semaine. OK, merci Olivier! Yeah! Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais... Il nous avait annoncé qu'il perdait son emploi et qu'il quittait son micro il y a quelques semaines, mais visiblement, les choses ont bougé. On va aller écouter un peu de Kevin Gosselin. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. De retour à l'émission des airs d'Ariens, Kevin Gosselin au microphone, très heureux de vous retrouver. C'est une surprise pour moi, je vous avais fait mes adieux il n'y a pas si longtemps pour retourner pratiquer ma passion, c'est-à-dire Dorman, au bar de danseuse Le Trou à Normand. Mais la vie a parfois de ses détours, ce ne sont pas toujours des cul-de-sac, et la station m'a finalement rappelé. Je crois que plusieurs raisons l'expliquent. Premièrement, la page Facebook pour le retour de Kevin dedans les ondes que mon ami Bill Sauvageau a créé a certainement aidé. 21 likes, ça pèse quand même. Je crois surtout que c'est grâce au congédiement de Stéphane Gendron de la station qu'une place s'est libérée. Alors mine de rien, je dois dire merci à Stéphane d'être un assis de craqué mental. Grâce à lui, je pourrais enfin continuer de mettre du pain sur mes toasts, comme dit le dicton populaire. Parlant de popularité, je dois avouer que la reconduction de l'émission La Soirée est encore jeune, dans un format de 4 fois plus long, m'a attristé. Déjà qu'il coûte une fortune en fonds publics pendant 1 heure, je n'ose pas imaginer comment mes taxes vont être dilapidées pendant 4 heures, surtout que l'émission sera diffusée le samedi et le dimanche. On parle sûrement de temps quadruple pour des syndiqués gâtés et surtout pourris de Radio Pravda. Vraiment, j'ai le moton qui me remonte dans le dégoût. Je me demande qu'est-ce qu'on attend pour installer des pics anti-itinérants à l'entrée de leur studio. Alors on poursuit en musique avec une pièce que je dédie à l'équipe de 43 personnes qui produit La Soirée est encore dispendieuse, avec une pièce de Woody Herman and the Woodchoppers, la très à propos Last Weekend sur les ondes du Radio X Jazz. On va aller retrouver notre ami Jean-Sébastien pour une dernière fois. Jean-Sébastien? Hey, énormément de courriels ici qu'on reçoit au placotoir où on est en train de placoter toujours avec Éric Duhaime. Uh-huh. Je commence avec ce tout premier courriel qui vous est destiné, Éric, et ça va comme suit. Allô Éric, je veux te dire que toi et ta co-animatrice Caroline Proux, vous êtes deux beaux ouf, deux maudits épais. C'est pas à Radio-Canada qu'on donnerait un show à deux clowns et c'est signé M.J. Taillefer et M. Hervieux. Écoutez, on donne peut-être pas de show à deux clowns à Radio-Canada, mais on invite quand même moi et Luc Ferrandez, ça qui doit avoir du monde qui aime les cirques. Probablement avec ça. Deuxième courrier, justement, qui s'adresse cette fois-ci à Éric et qui vient d'un F. Fernandez et qui va comme suit. Allô, Éric, toi, tu vois, t'as envie de me frapper. Moi, j'aimerais ça t'asseoir bien solide sur des pics à itinérants. Mais en même temps, j'aimerais ça faire la paix avec toi. Alors après l'enregistrement, est-ce que tu serais game de venir me serrer la main en studio et que le photographe de l'émission La Soirée est encore jeune prenne une photo de nous pour la prospérité? Ça va me faire un grand plaisir, Jean-Sébastien. Woo! Et moi aussi. Ah, et même Luc aussi, mon journaliste, à un moment de radio extraordinaire. Donc, c'est déjà tout pour nous. Jean-Philippe, on doit vous quitter. Éric et moi, on s'en va frapper des filles mères et militer. Et évidemment, militer à 21h en faveur de coupe à l'aide sociale. Salut, Jean-Sébastien. Bonne semaine, là. Notre correspondant parlementaire se penche sur l'abolition des crédits d'impôt et des itinérants. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Yeah! Oh boy! Il y a des moments comme ça où j'ai tellement hâte que vous arriviez. Bon, vous nous parlez, évidemment, les conséquences du budget, ils se font encore sentir. Mais il y a des compressions de quoi? De 20 % dans les crédits d'impôt? Là, tous les crédits d'impôt. Ça, ça me fait capoter. Et même 20 % dans le milieu culturel. Hein? Ah, ça, c'est correct. Par exemple, le duo Dominique et Martin, bang, plus de Dominique. Hein? 20 % de tout. Spectacle de Guy Nantel, il faut couper 20 %, on retire toutes les blagues. En télé, Fort Boyard, Guillaume Lemaitre-Vierge va être remplacé par son frère Vincent. 20 %, c'est ce qu'on dit. En musique, Kev va devoir couper 20 % de son originalité, donc il se sépare, pauvre boum. 20 % de moins de bagues et de chaînes pour Éric Lapointe. On parle quand même de 48 kilos de bijoux ici. 20 % de moins de Martin Deschamps. J'irai pas là. J'irai pas là. Non. Puis, même ici, il faut couper 20 %. Je veux dire, Olivier va être obligé de couper tous ses extraits puis de parler tout seul. Dans son édito, Fred va être obligé de couper toute la partie qui parle de lui. Puis Jean-Sébastien va devoir choisir retrancher ou bien les anciens porte-parole étudiants ou bien Mélanie Joly. C'est un scandale. Seigneur Dieu. Est-ce qu'il y a des choses plus réjouissantes un peu, là? Hey, mon Dieu, que j'ai appris des choses, moi, cette semaine. Oui. Non, j'ai appris que j'étais une cruche d'abord de la part du maire Tremblay. M. Fernandez, lui, était plus poli hein, quand il disait pauvre, grossier, minable. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris ce que veut dire placotoir, prairie urbaine, ludothèque. Finalement, l'industrie du néologisme pauvre, grossier, minable, ça se porte bien à Projet Montréal aussi. Hein? Mais donc, je suis une cruche, athée, hein, a dit M. Tremblay, ce qu'on appelle communément une théière, je pense. La cruche, ça se remplit, hein, surtout si elle est pauvre, grossière et minable. Et cette semaine, je pense que l'ensemble de la population l'est. Ouais. Hein, on a appris qu'un hélico peut se poser dans les prisons, tchouk-tchouk-tchouk, aller chercher des présumés meurtriers. À date, c'est la meilleure joke de 2014. Et essayez pas de poser un hélicoptère aux abords des magasins sur Sainte-Catherine, parce que là, il y a les pics, ce qui est inacceptable, inhumain, parce que normalement, c'est la police qui s'occupe de faire disparaître les sans-abri au centre-ville, ouais, une balle à la fois. Alors... On s'est un peu trop fié aux dernières coupures de Statistique Canada qui, selon le dernier communiqué, disait que 2 itinérants sur 3 étaient des fakirs. Je pense que c'est de là que vient le problème. C'est un sujet épineux. Mais ça... Mais les pics, là, est-ce que ça a quand même son utilité, Jean-Philippe? Bien, ceux à Montréal avaient été installés il y a 3 ans, puis dès qu'ils avaient installé, Daniel Breton s'est lancé en politique. Je dis ça de même. Okay. Stephen Harper songeait à en installer sur les banquettes du Sénat. S'il y avait eu des pointes comme ça, là, le scandale de Lissibo serait jamais arrivé. Hein? Ses pneus auraient crevé. Les ministres libéraux se seraient jamais assis sur leur argent, beaucoup trop inconfortable. Hein? Aujourd'hui, le gouvernement va nous dire non, c'est pas si pire s'asseoir sur des épines, là, ça s'appelle l'austérité, mais parce qu'il y a des pics. Que dis-je? Un cap? Une péninsule? À quoi sert cette oblongue capsule à cacher des prête-noms, Vautier? Pierre Bibeau, quand il était matelot, là. C'est ça qu'il faisait. Tandis que Marc-Yvan Côté, lui, qu'on surnommait le Bœuf de Matane, avait effectivement tout un front de demander des contributions à Roche, là. Pas le groupe de musique là, avec le chanteur qui chante comme une fille sur l'hélium, là. Mais l'ancien employeur de Sam Hamad, qui décidément doit trouver, à force de s'entendre, dit-elle à la commission Charbonneau, il doit trouver qu'il est de moins en moins en sécurité. Puis là, vous avez Monsieur X, hein, ou le témoin A, commission Charbonneau, qu'on décide de renommer Jean Gagnon pour faciliter son témoignage, soit le nom de notre ancien réalisateur. Il n'y a pas de hasard, je trouve. Moi, il aurait pu l'appeler J'en peux plus, j'en ai assez. Oh. J'en reviens pas qu'on paie 500$ pour un tête-à-tête avec Jean Charest, je sais pas, mais... Votre chronique allait si bien avant cette blague. on va avoir un nouveau chef au Bloc québécois, c'est au moins ça. Hein? Oui, c'est en fin de semaine. On va savoir qui de Mario Beaulieu ou de André Bellavance, deux figures majeures de l'actualité, va diriger ce qui reste du Bloc québécois. Et le perdant va devoir dormir sur des pics cet été, tandis que le gagnant va s'en faire planter dans le dos. Merci Jean-Philippe Triani, merci beaucoup. C'est déjà tout. On vous invite à rester à l'écoute, évidemment, pour écouter la Bibliothèque de René. On remercie à toute l'équipe, Marianne Racicot, Steve Côté, Philippe Robert. Un gros merci à nos invités de ce soir. Luc Ferrandez, bon été. Faites attention à vélo, portez un casque. Oui. Bon été à tout le monde. Bienvenue sur le plateau. Il y a encore de la place. Pas beaucoup sur la rue Mont-Royal, sur Saint-Denis. C'est plein, mais venez pareil. OK, dépêchez-vous. Anne-Elisabeth Bossé, qu'est-ce qui se passe là, cet été? Il n'y a pas comme 25 pièces de théâtre, 36 émissions, 45 affaires que vous faites? Non. Je tourne Les Appendices, 7e saison. Je tourne Toute la vérité aussi à TVA. Puis en novembre, vous avez une pièce de théâtre. Oui, et puis en octobre aussi, au Rideau Vert, je joue la déprime et au TNM, je joue L'importance d'être constant. Venez me voir. Une chance d'être plus dans 30 vies. Merci beaucoup. Évidemment, si vous tripez sur l'émission, vous nous réécoutez sur iTunes, c'est notre balado. Et surtout, vous ne ratez pas notre dernière émission la semaine prochaine. Une émission spéciale. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.